En Corée du Sud, les formations civiles et sociales, des étudiants et jeunes et enfants, les parlementaires, les vétérans et autres habitants de Gwangju ont constitué le comité pour la promotion de la construction de la statue de fillette de paix au nord de Gwangju. Ce comité de promotion a décidé de mettre sur pied la statue de fillette le 15 août prochain pour mettre en relief l'histoire d'agression japonaise ainsi que le sens de la libération, de la division et de la réunification pacifique de la patrie, apprend-on du journal internet sud-coréen Jeju Sibo.